Nicole, consulter un thermomètre dit qu'il était tombé à 17 degrés Celsius, au-dessous de zéro. Donc, malgré toutes les raisons de s'en montrer économe, Barbicane, après avoir demandé au gaz sa lumière, dut aussi lui demander sa chaleur. La température basse du boulet n'était plus supportable. Ses hôtes eussent été gelés vivants. « Nous ne nous plaindrons pas, » fit observer Michel Ardan, « de la monotonie de notre voyage. Quelle diversité, au moins de la température. Tantôt, nous sommes aveuglés de lumière et saturés de chaleur, comme les Indiens des Pampas. Tantôt, nous sommes plongés dans de profondes ténèbres, au milieu d'un froid boréal, comme les Esquimaux du pôle. Non, vraiment, nous n'avons pas le droit de nous plaindre, et la nature fait bien les choses en notre honneur. « Mais, » demanda Nicole, « quelle est la température extérieure ?»« Précisément, celle des espaces planétaires, » répondit Barbicane. « Prenons un thermomètre, » dit-il. Et, pour ne pas nous exposer à perdre notre thermomètre, nous l'attacherons et nous le ramènerons plus facilement à l'intérieur. Les conseils de Barbicane furent suivis. Par le hublot rapidement ouvert, Nicole lança l'instrument, que retenait une corde très courte, afin qu'il pût être rapidement retiré. Le hublot n'avait été entrouvert qu'une seconde, et cependant, cette seconde avait suffi pour laisser un froid violent pénétrer à l'intérieur du projectile. « Mille diables !» s'écria Michel Ardan. « Il fait un froid à geler des ours blancs !» Barbicane attendit qu'une demi-heure se fût écoulée, tant plus que suffisant pour permettre à l'instrument de descendre au niveau de la température de l'espace. Puis, après ce temps, le thermomètre fut rapidement retiré. Barbicane dit alors « 140 degrés Celsius au-dessous de zéro !» Telle était la redoutable température de l'espace sidéral.